Donc ils ont été enterrés à deux. Et Jabir ne se sentait pas bien d'avoir laissé son père enterré dans une tombe avec un autre homme. Donc il est parti pour le déterrer. Je pense que c'est 6 mois après. 6 mois après, si je ne me trompe pas. Et en le déterrant, il a trouvé son père intact. Son corps était intact, parmi les miracles. Cependant, ce fait-là n'est pas à prendre comme étant un dalil disant que le martyr, le shahid, d'accord, que la terre ne le mange pas. Là-dessus, il n'y a pas de preuve. Ça, c'est une chose qui est, à la base, on a dit adilah pour les prophètes seulement. Quant au shuhada, on n'a pas de preuve qu'il se peut qu'une personne demain soit morte en shahid et qu'après, son corps soit consommé par la terre. Mais c'est un miracle accordé à ses aouliens. Allah, il accorde à qui il veut. Allah Azza wa Jal, il accorde à qui il veut. Et comme vous le savez, cela est arrivé à Damaj, d'accord, comme moi, j'ai de mes propres yeux, et nous étions très nombreux, un an et demi après les conflits qui ont eu lieu à Damaj, un frère a vu en rêve, un des frères qui avait été tué, avec le visage à moitié abîmé, lui faisant part d'une plainte que leur tombe était en train d'être endommagée. Donc le frère s'est réveillé, et ce rêve-là, ça l'a travaillé. Il est parti directement voir au cimetière qu'est-ce qui se passait, ce frère qui a eu le rêve. Et en arrivant, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des pluies auparavant, et qui font que les égouts se déversaient autour de la tombe, autour des tombes, et allaient rentrer dans les tombes. Donc ils se sont dit, il faut les déterrer. Il faut les enlever, il faut les déplacer. Donc de là, ils ont commencé à déterrer des corps pour les placer ailleurs. Et de là, subhanallah, des choses incroyables ont été vues. Des corps qui ont été retrouvés intacts. Des corps qui ont été retrouvés ensanglantés, le sang qui coulait encore. Et ces corps ont été déplacés ailleurs. En ce qui me concerne, moi-même, Khalil qui vous parle, j'ai sorti le corps de l'un de mes frères. D'accord, l'un de mes frères, Allah, Fillah Azza wa Jal, auquel je n'avais pas pu assister à son enterrement la première fois, car j'étais occupé par autre chose. Allah m'a permis d'avoir cette occasion-là pour le sortir de sa tombe. Et je vous le dis, quand je l'ai sorti de sa tombe, il y avait encore du sang gluant, j'ai vu de mes propres yeux, un Oksim Billah, j'en parle à Allah que je l'ai vu, du sang gluant qui était encore sur les parois de sa tombe. Et en sortant le corps, on était trois à le sortir, moi j'ai pris la partie du milieu de son corps, elle était encore pleine de chair. Il était lourd. Normalement, il aurait dû être un squelette, vide. À la base, c'était un frère, Al Mabarik, qui était imposant. Un frère qui était grand et corpulent. Et en le sortant, on a eu du mal à sortir. Au milieu, au niveau du ventre, il y avait encore de la chair. Allahu Akbar. Et je vous l'ai dit, ça c'est moi qui l'ai porté de mes propres mains. Et d'autres frères ont sorti deux autres frères de leur tombe. Moi, je les ai vus de loin. Ils disaient que leur corps était intact. Comme le jour où ils ont été enterrés. Et il y en a un, je me rappelle, il avait un tatouage d'avant l'islam, qu'il avait sur sa main, sur son avant-bras, et de loin, le tatouage, je le voyais. Je ne me suis pas approché quand j'étais occupé à faire un autre travail, mais au loin, le tatouage, je le voyais sur son avant-bras qui était découvert. Un an et demi après avoir été déterré. D'accord ? Et ce frère-là, je l'ai vu au loin, je n'ai pas pu venir plus proche pour voir son visage, comment il était, mais les frères m'ont dit, on l'a vu, et les frères qui l'ont enterré la première fois, ils m'ont dit, on l'a retrouvé comme le jour où on l'a posé. Et un deuxième pareil. C'était un phénomène, c'est une chose qui était incroyable. Et des gens nous ont démenti. Des gens qui sont malades ont dit qu'on ment, on fait comme les gens qui mentent, les croix de Moussemoun en Afghanistan, qui mettaient du parfum sur les corps pour faire croire que leur mort était des martyrs. On dit non, c'est des choses qu'on a vues vraiment. Et on était des centaines à l'avoir vu. Et des gens des contrées alentours de la ville de Sardas sont venus exprès pour cela. Et des journalistes sont venus pour cela. Il n'y a aucun mensonge. Il n'y a aucun mensonge. Certains peut-être ont exagéré en disant que beaucoup ont été retrouvés comme ça, et c'était pas non plus nombreux. Moi, ce que je me rappelle, c'était 2 ou 3. D'accord ? Avoir été retrouvé intact. Déjà, un seul, cela suffit. Un seul, cela suffit. Et d'autres ont été retrouvés, comme je l'ai dit, avec du sang qui coulait. D'autres avaient encore de leur barbe et du henna, le henné sur leur barbe, ceux qui étaient un peu âgés. C'était une chose, c'était un jour qui était incroyable. Et cela, un an et demi après qu'ils aient été enterrés. Ah ben, donc on ne se sert pas de cela pour dire qu'ils sont des martyrs. Mais franchement, c'est un indice qui est très très fort pour dire que ces gens-là sont morts sur le khayr. Ou nassallallahu yatakabbal minhum shahadatan. ويتخذون عنده شهداء. نعم. Et ça, c'est mon témoignage à moi, personnel. Et d'autres ont vu encore plus proche que moi. Et d'autres ont vu de plus loin. Et je le redis pour ce qu'il démontre. Si jamais demain, ce que je vous dis, ce n'est pas vrai, que je demande à Allah qui me maudisse sur le champ. Ce que je vous dis là maintenant, que j'ai vu de propres yeux, ce n'est pas vrai, que Allah me maudisse sur le champ.